Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de La Cellule. Aujourd'hui, c'est le dernier jeudi du mois, ou l'avant-dernier, parce qu'il reste encore un bonus après cet épisode. Et aujourd'hui, c'est un podcast sur sens, un podcast sur les faits, avec Cédric. Cédric, ça va, la patate? Salut, la pêche. Cette fois-ci, tu n'es pas dans un téléphone, on t'entend bien? Oui, ce sera mieux, puis je vous entendrai mieux également. Ça, c'est assez super. Et Flavie est également avec nous. J'ai décidé de changer un petit peu, de ne pas dire la pêche. Mais oui, je veux bien. D'accord, bon, très bien. Donc, Flavie est résolument en forme. Peut-être commencer avec cette question qui m'est arrivée sur Internet d'un certain Romain T. Il m'a écrit ce mail dans lequel il me dit la chose suivante. « Il me semble évident que je pisse debout risque d'être inutile et que le fait « je suis dans la matrice, je suis fan de sens ou je suis Dieu » sont des faits qui vont poser problème. Déjà, qu'est-ce qu'un fait vrai ? Première question. Et entre ces deux extrêmes, c'est-à-dire entre le d'une part je pisse debout et d'autre part le je suis Dieu, je connais sens par cœur, etc. Quel genre de faits seront vraiment à la fois valides et utiles en termes de jeu ? J'ai envie de dire qu'il y a deux faits différents. Il y a plusieurs questions. Il y a les faits de cellulis. Et les faits du simulacre. Donc si tu mets je suis Dieu dans le simulacre, ça ne voudra pas dire la même chose que si je suis Dieu dans le cellulisme. Mais là aussi, ce sera problématique, mais alors, pour des raisons de médicaments un peu différentes. C'est ça. Le truc, c'est que dans les faits de cellulisme, on met des faits qui concernent le joueur. Dans les faits de simulacre, les faits qui concernent le personnage dans la fiction de sens. Ce que j'entends par des faits vrais, alors en fait, c'est un abus de langage. Théoriquement, dans la théorie, les faits ne peuvent pas être vrais. Ce qui est vrai, ce sont les propositions qui portent sur des faits. Typiquement, si je dis « Cédric est avec nous dans ce podcast », la proposition « Cédric est avec nous dans ce podcast » est vraie parce qu'il y a un fait dans le monde « Cédric est avec nous dans le podcast ». C'est-à-dire que les faits, c'est ce qui rend vrai les propositions qui portent sur eux. D'accord. Et inversement, des propositions qui sont fausses. Voilà, absolument. Si je dis la proposition Cédric est à Lille, c'est une proposition fausse parce que dans le monde, il y a un fait qui dit Cédric est avec nous dans ce podcast à Saint-Malo, par exemple. Voilà. C'est pourquoi je préfère le terme que tu utilises dans sens néant, qui est le terme de lien, que je trouve plus approprié que le terme de fait. Eh bien, c'est très bien que tu parles de ça parce qu'en fait, les faits et les liens, justement, ne sont pas les mêmes choses. Ils ne portent pas sur les mêmes objets. Le lien, donc ça c'est très très bien, le lien c'est quelque chose qui a à voir avec les sentiments, alors que dans les faits il n'y a pas de sentiments. Mais dans les faits, on se rend compte qu'il y a souvent des sentiments voilà. Et pour ma part, ce sont toujours des sentiments. Alors ce qu'il faut bien distinguer, c'est, là on va parler de sens-renaissance. C'est juste pour la parenthèse. Mais les liens sont toujours de la forme « je suis attaché à quelque chose oui. », ce qui suppose qu'il y a un être pensant, sentimental, qui s'attache à des choses. Alors que dans les faits, on n'a pas... les faits, en fait, ça peut être des faits qui concernent un objet, tu vois ce que je veux dire ? Oui, tout d'accord. À fait, hein, mais encore une fois, pour ma part, c'est... Oui, mais... similaire, ça... En fait, le truc, c'est que... Alors ça, c'est un thème de podcast, ça dit tout seul, la différence entre les faits. Je pense aussi. C'est juste que ça dépend, en fait, de la métaphysique que tu emploies. Ouais, tout à dans fait. Dans sens néant, on suppose une métaphysique sentimentale. C'est-à-dire, ce qui existe avant toute autre chose, l'ontologie principale de l'univers, ce sont des sentiments, des éléments, des sentiments. Alors que ce qui existe dans... sens renaissance, puisque c'est un univers de scientifique, de scientisme un petit peu, avec cette histoire de Cosmo et Rebirth, de Cosmo et Rebirth, de déterminisme, de science absolue. De Wittgensteinien, absolument. Et bien, dans cet de Wittgensteinianisme, en fait, ce qui existe dans ce monde-là, ce sont des faits bruts, donc les faits dans le monde. Et donc, du coup, le fait, déjà, d'utiliser des faits dans sens renaissance et d'utiliser des liens dans sens néant, implique que les deux personnages qui racontent l'histoire, celui qui raconte l'histoire de sens renaissance et celui qui raconte l'histoire de sens néant, ou en tout cas l'histoire de sens renaissance et l'histoire de sens néant, sont des histoires qui vont parler d'un monde différent ou d'une manière de voir le monde différente. On rentre peut-être pas dans le détail dans les débats entre le fait et le lien. Dans ce cas-là, on fera plutôt un podcast là-dessus. Carrément. Les faits font vraiment plus référence à un univers de science-fiction. Oui, tout à fait. On est vraiment plus là-dedans. Je suis totalement d'accord avec toi. Avec, On imagine bien le vaisseau spatial, c'est un fait, les choses sont un peu froides, les êtres humains sont... Il y a des machines à côté d'eux, on essaie un peu de nier leurs sentiments, enfin, il y a vraiment tout ce côté-là qui va avec. Dans l'aspect fait, effectivement, il y a l'aspect détaché de toute forme de sentiment, toute forme de pensée. Il n'y a besoin de personne pour penser des faits. On n'a pas besoin de sujet pour penser des faits. Par exemple, avant même que l'humanité ou tout être pensant existe dans l'univers, l'univers était déjà, selon Wittgenstein, là on est dans la métaphysique de sens qui est une métaphysique wittgensteinienne, l'univers était déjà empli de faits. Mais ce que je trouve amusant, c'est que... Alors que les liens, c'est pas pareil. Les liens, il y a besoin d'un sujet pour le penser. D'un côté, en fait, on pourrait envisager le fait que, comme il y a Cosmo et Rebirth, du coup, on est dans un univers de faits, que quelque part, les bugs, en fait, seraient là pour contrer cette métaphysique-là et apporter une nouvelle métaphysique de sentiments. Absolument. C'est exactement le propos du jeu. C'est, voilà, Cédric. C'est pas mieux. Le truc, c'est que ce qui est très important, c'est de partir de ce point que définir des objets, des personnages, des éléments du jeu en termes de faits, ça a une implication forte sur la vision du monde qui est portée par sens. Dans sens renaissance, dans sens mort et dans sens néant, le fait qu'on parte de faits dans sens renaissance présuppose un monde physicaliste, matérialiste, presque scientiste, métaphysique, fort au sens fort. Déjà posé et qui n'a pas besoin d'interprétation du joueur, a priori. Absolument, qui n'a pas besoin d'interprétation du joueur. Dans sens mort, on a l'effet plus les liens, puisque les liens se débloquent à ce moment-là dans le sens mort. Souvenez-vous, c'est le personnage du renard qui commence à apporter cette histoire de liens. Et du coup, on se retrouve avec un sens un peu hybride dans lequel les deux visions du monde cohabitent, la vision factuelle et la vision sentimentale, puis dans sens néant, où là on franchit carrément le pas, on se débarrasse même carrément des faits, et il ne reste au personnage que des liens. Donc ça, c'est pour la distinction fait-lien. Et oui. Qu'est-ce qui se passera dans Cosmo ? On ne sait pas. Alors, bon, ce sera pour l'année prochaine. J'ai fait ce que j'ai pu, les auditeurs, hein, mais il lâchera pas. En espérant que ce soit bien fait. Alors... Bravo. Alors l'objet, c'est l'ensemble de ces faits, j'ai mis. Oui, donc ça c'est très important de comprendre que pour Wittgenstein, un objet, quel qu'il soit... Alors d'ailleurs, vous voyez, là ici, on est bien en train de parler d'un personnage. L'objet, ça peut être aussi un individu. Oui, tout à fait. C'est, voilà, là tu te retrouves avec un objet particulier qui est un personnage et qui va avoir des faits. Genre oui, bah, j'ai une puissance musculaire qui me permet de soulever 40 kilos. J'ai un cerveau qui me permet de faire trois calculs en même temps. Je suis un joueur d'échecs, etc., etc. Le jeu sur lequel portent tous ces faits, je suis colérique, je suis capable de disputer trois parties d'échecs, c'est le personnage. Et le reste, le je suis machin, ou A et B, ça, c'est un fait. A et B, quoi. On pourrait faire une fiche de personnage de sens en ne disant jamais je, en mettant juste mon personnage ou Cédric. Par exemple, imaginons que le perso qu'on veuille faire s'appelle... je vais pas prendre Cédric parce que du coup, c'est confusant avec le cellulis. Ouais, avec le cellulis, c'est con, quoi. Mais je vais dire, par exemple, il s'appelle Memnarch, on va dire, voilà. On fait un personnage qui s'appelle Memnarch. On peut écrire sa fiche de personnage de sens en disant « Memnarch habite à la base du pôle sud. Memnarch porte souvent des vêtements rouges. Memnarch est colérique. Memnarch aime les sciences. Memnarch a été l'élève de Solipsis pendant 10 ans, etc. Et » Et je me demande si, Cédric, quelque part, ce serait peut-être pas, comment dire, même plus intéressant de voir ça comme ça, dans la mesure où on retombe encore une fois dans ce monde froid, scientifique, qui fait que les faits sont déjà là. Et justement, garder le « je suis attaché à » pour le néant, qui au contraire va poser la problématique des sentiments. Tout à fait. Je pense que ce serait même plus intéressant d'adopter ce « si A alors B ». Voilà, parce que nous, jusqu'à maintenant, on a toujours utilisé « je suis X, je suis Y, je suis Z oui. ». Enfin, c'est toujours cette forme-là. Et d'ailleurs, dans la base de Sens Renaissance, on trouve cette forme-là. C'est comme ça qu'on fait les persos. Voilà, on dit je suis colérique, je suis machin, etc. Et c'est vrai que peut-être que ce serait mieux et peut-être plus clair pour les gens que les faits portent sur des objets signalés à la troisième personne du singulier. Ou, enfin, si j'ose dire, quoi. Ouais, je pense que ce serait une bonne solution. Ouais, je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'il y a quand même dans ton jeu quelque chose qui s'appelle Avec les jetons. Ah, oh, je perds l'immersion. Il y a quand même l'immersion. Et parler du personnage qu'on va interpréter avec le jeu favorise cette immersion. Hmm. Oui, c'est vrai. C'est vrai que du coup, il y a plus le rapport d'identification à son personnage qui est important pour l'immersion. Mais en fait, ce que veut dire Ced, qu'on soit bien d'accord, Faye, ce qui serait intéressant, c'est de commencer la partie comme ça. C'est-à-dire, quand tu fais ta partie, quand tu fais ton personnage au départ, tu l'écris comme ça. Et ce qui serait intéressant, c'est le moment où le joueur, par accident, va passer au jeu. Voilà, va sans le faire exprès, passer au jeu. Et tu vois, lui attribuer. Et ça arrivera, je pense, beaucoup plus vite que sans le pense. Ouais, c'est clair et net. Donc, ça peut être intéressant de ce côté-là. Alors, dans la question de Romain, il y a vraiment plusieurs questions. La première, c'est finalement, je pisse debout, etc. Là, son exemple, le je pisse debout, c'est vrai que c'est un fait qui, a priori, apparaît inutile. Le truc, c'est que si déjà tu précises que t'es un être humain mâle, on se doute que tu pisses debout, en fait, parce que tu es un être humain mâle et que du coup, tu as cette capacité. Que tu peux pisser debout, en tout cas. Tu peux pisser debout. Voilà, à partir du moment où t'as déjà précisé quelque chose comme ça, c'est peut-être pas la peine de dire j'ai besoin de manger tous les jours. Alors là, Fly, tu signales un point très important, c'est que il faut écrire. Il ne faut pas aller dans le détail lorsqu'on fait son personnage la première fois. Il faut écrire des faits généraux, je pense. Ouais. Et d'autant plus qu'au niveau jouabilité, les faits généraux sont beaucoup plus intéressants. Je pense que là, pour répondre à la première question de Romain, c'est ça en fait. Il faut faire une classification des faits. Il faut voir ce qui va, alors, non pas être le plus utile, mais ce qui va englober le plus de choses, hein, ce qui te définit mieux. Comme dit Flavie, tu vois, de dire je suis un homme, voilà, au sens sexué du terme. C'est un très bon exemple. Ouais, c'est un très bon exemple. Ça permet déjà d'isoler certains faits, etc. Mais je pense que derrière, il y a la question de la liberté en fait qu'on donne à ces faits, chez Romain. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, du point de vue du système, quand on fait jouer un fait en cas de conflit, on gagne un 2% dans la rune impliquée par cette action. Bon, ça, on s'en sert jamais. Objectivement, autour de cette table, qui s'est déjà servi de cette règle ? Moi, jamais. Quelle règle, excuse-moi ? La règle qui dit que tu peux faire jouer un fait au cours d'un conflit pour augmenter de 2% la rune qui est utilisée dans le conflit. Moi, je l'ai déjà fait. Hein. Ah ouais, déjà fait aussi. Ah oui. Moi, je m'en sers jamais. Et c'est pas forcément de 2%, hein. Ça peut être plus, ça dépend vraiment des circonstances. D'accord. De toute façon, dans un sens, enfin, tout est question de circonstances. Ouais. Mais ça peut être 5, ça peut être 10, hein. D'accord. Parce que dans la base, c'est bien écrit 2%. Ouais, ça peut être moins aussi, mais dans la base, c'est bien écrit 2%. Ceci dit, l'idée de cette règle, c'est pas tant de donner des bonus que d'inviter les joueurs à rappeler les faits qui concernent une action au maître de jeu, de façon à entrer dans une phase de négociation. Et là, donc, ça permet de répondre à la question de Romain, c'est que les faits, dans ce sens, servent à commencer une phase de négociation entre le joueur et son maître de jeu. Un exemple typique, t'es sur un PC, tu sais pas, on me dit oui, il y a un mot de passe qui bloque l'accès. Et là, le joueur va dire « Ouais, mais attends, quand même, j'ai fait des années d'informatique avec Solipsis, elle m'a tout appris sur l'informatique, quand même, s'il te plaît, tu pourrais me laisser faire ça, quoi. » Donc, c'est pas 2% que ça va gagner, c'est un argument pour le joueur pour que le MJ lui laisse faire son action. Ouais, c'est plus en termes de pourcentage. Ouais, puis je pense que les faits, faut... Au-delà même de les voir comme des choses qu'on pourra utiliser, ce qui est intéressant, c'est, je pense qu'il faut envisager ce qui est important pour son personnage, c'est-à-dire qu'est-ce que le personnage juge important, qu'est-ce qu'il noterait lui-même. Si on lui enlevait ce fait, est-ce qu'il serait vraiment toujours le personnage qu'on a en tête? Enfin, par exemple, je peux mettre « je suis serrurier, j'ai toujours vécu au Pôle Sud, j'aime les hamburgers, je suis amoureux de Maria ». Clairement, à moins que le fait qu'il aime les hamburgers, ce soit vraiment un truc hyper important pour lui, je pense qu'il vaudra mieux garder « je suis fou, amoureux de Maria » plutôt que « j'aime les hamburgers ». Ouais, tout à fait. Encore une fois, on définit ça selon l'utilité. Quoi. Ouais. Donc il faut que ça serve dans le jeu. Le problème, c'est qu'un joueur, au début, qui commence, regardez, souvenez-vous de Thomas Poussou, qui a un mal de chien à comprendre ce que c'est qu'un fait, ben, il ne sait pas encore à quoi on va jouer, en fait, vraiment. Enfin, l'univers oriente un peu, mais c'est compliqué, je trouve, au début. Ouais, moi, je sais que quand je fais mes faits, parce que j'en ai quand même créé pas mal des persos de sens, pour le coup, quand je fais mes faits, généralement, je les fais par ordre chronologique. Oui. Genre, je suis né à, j'ai grandi à, ça me donne une bonne ligne, en fait, de... Une bonne ligne à suivre, et généralement, j'ai pas de mal à faire des méfaits du coup. Excellent conseil. Ouais, donc, toi, tu suivrais l'ordre chronologique ? Moi, je sais que ça m'aide, honnêtement. Ouais. Puis, du coup, quand je vois au fur et à mesure que j'ai peut-être un peu trop de faits, j'enlève ceux qui me servent un peu à rien, puis je garde vraiment le gros squelette. D'accord. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Et ouais, du coup, moi, j'ai une autre tactique. Alors, c'est pour mes joueurs. Du coup, comme c'est je suis un enfoiré, je pose le piège dès le départ. C'est-à-dire que j'ai des gens, des fois, qui ont déjà fait des jeux de rôle. Ouais. Voilà, du classique. Et généralement, ils font leur fiche de perso. Donc, ils définissent les faits selon l'utilité. Genre, ouais, alors, je suis un hacker, je suis un super hacker. Et puis, je maîtrise les arts martiaux. Et puis, je maîtrise les explosifs. Bref, je suis un bourrin, quoi. Donc, je leur fais, OK, pas de problème. Et puis, dans le jeu, en fait, ils se rendent compte que, ah ouais, c'est super, quoi. En combat ou en informatique et tout, ils déboîtent, quoi. Mm. Mais alors, dès qu'il s'agit d'avoir des faits un peu mineurs, genre, ah bah tiens, Gladius War, ça se passe comment? Tiens, Maria, ça se passe comment? Puis, ouais, bah, moi, je veux avoir telle conversation, telle discussion. Je fais, t'as quoi comme fait par rapport à ces personnes-là? Mm. Bah, t'as rien, t'as que dalle. Bah, non, il veut pas te voir, simplement. Enfin, ou alors, il va avoir du mal socialement parce qu'il a mis que des faits d'utilité. C'est ça, en fait. Socialement, moi, je vois mes joueurs, quasiment tous, ils galèrent. Parce que les mecs, ah ouais, ils sont forts, ils balancent des grenades, des trucs. Mais alors, c'est vrai que socialement, une enquête. Putain, une enquête, c'est terrible, quoi. C'est génial, quoi. C'est le clair, César, quand tu sais, heures, quoi. Tu sais que faire de la grenade, et là, à ce moment-là, faut parler à un enfant apeuré. Putain, tu vas me donner l'information, ouais. Super exemple, une petite dédicace à Tristan si un jour il l'écoute. C'est alors lui, voilà, je suis. Il a bien fait son perso. Hein, c'est voilà, je suis responsable de la propagande dans la résistance. Donc je m'occupe des infos. Il s'occupe en fait de tout le côté contrôle. Donc c'est génial, quoi. Il a un très bon perso. Puis un jour, il s'est retrouvé face à une enfant qui avait une lettre de Wilfried dans la main. Ah bah oui. Ouais, j'ai pas de carac. Je sais pas quoi faire. Bah trop tard, l'enfant s'est suicidé, c'est fini. Résultat des courses, après le scénar, il est venu me voir, il a fait ouais, bon, bah, j'ai compris certaines choses, et du coup, dans les faits, hop, il a fait bah, moi je rajoute ça. Ce qui n'est pas un fait ultra utile en soi, mais il a fait voilà, ça fait partie de mon personnage, et maintenant j'ai compris que c'est pas les personnages, c'est pas seulement ça, quoi. C'est pas des gens qui balancent des grenades et qui sont balèzes en informatique, quoi. Alors pour les auditeurs, hein, Wilfried, c'est un poète dont le pouvoir, c'est de tuer, enfin de tuer. De provoquer le suicide des personnes qui lisent ses poèmes. Donc voilà, d'où l'explication. C'est pour ça que la petite fille avec le poème. Ouais, c'est pour ça que la petite fille. Alors. Donc tout ça, c'est vraiment pour le fait de simulacre. Hein, on est bien d'accord. On parle toujours des faits de simulacre. Et donc, vous, de faire suicider les petites filles. Donc, alors, toi, t'es dans un registre, Cédric, qui est plus de l'ordre de laisser les gens se planter au départ, sachant que de toute façon, ils vont pouvoir rajouter des faits, etc. Complètement. Et donc, après, ils vont comprendre que l'univers de sens est plus permissif en termes de faits qu'ils ne le croient et augmenter. D'accord. Donc, ça, c'est une première stratégie. Moi, je pense que dans un premier temps, il faut, en fait, les faits utiles et les faits interdits ou dégénérés sont importants à présenter en même temps dans ce podcast. C'est-à-dire que je pense que c'est important de leur expliquer aussi que les faits doivent être cohérents avec l'univers. Voilà, là où je voulais en venir. C'est évident, mais entièrement c'est d'accord, il ne faut pas l'oublier. En fait, les faits sont inscrits après la lecture de l'histoire de sens, le background de sens, après éventuellement le visionnage de la guerre des immortels, donc la vidéo qui introduit l'histoire de sens, dont d'ailleurs avec Valérie on est déjà en train de faire la deuxième, hein. elle va arriver, je vous rassure, et la deuxième sera la dernière, mais voilà, donc c'est de s'inspirer du canon esthétique de l'univers de sens pour faire son personnage, parce que techniquement là, le fait qui était présenté au début, je sais plus tout ce qu'il y avait, mais il y avait aussi je suis Dieu, voilà. Bon, clairement pour moi ça c'est un fait qui est pas en accord avec l'univers, un univers scientiste dans lequel il y a Cosmo et Rebirth, tu peux pas te permettre, toi, de mettre « je suis Dieu », alors que déjà, il y a plus de religion catholique, il y a plus tout ça, enfin, ça ne correspond pas, je trouve, à l'univers du jeu. Ouais, d'accord. Mais bon, après, on peut aussi l'interpréter comme un personnage qui est extrêmement mégalomane, qui croit que tout le monde tourne autour de lui, par exemple, et il met « je suis Dieu » sur sa fiche pour signaler qu'il a l'impression... tu vois, un solipsiste, par exemple, typiquement. Ouais, mais dans ce cas-là, il faut mieux mettre « j'ai l'impression d'être Dieu » ou « je me comporte comme tel ». Parce que je suis Dieu, il peut poser problème au maître de jeu en disant « bon ben voilà, moi j'ai ça comme fait, donc je suis désolé, mais ça fonctionne ». Tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important, et c'est pour ça qu'on parle de faits vrais aussi, c'est qu'il faut que les faits puisse d'une certaine manière donner lieu à des propositions vraies. Si la personne, comme vient de le dire Cédric, en fait, si la personne met dans les faits « je suis Dieu », si quelqu'un dit, par exemple, mettons que Memnarch a mis « je suis Dieu » sur sa fiche de personnage, si à un moment donné quelqu'un dit « Memnarch est Dieu », eh ben il a raison. parce que le fait sur la fiche de personnage lui donne raison. Donc du coup, effectivement, c'est problématique. Ouais. Donc il faudrait plutôt mettre ce que Cédric a dit, je me prends pour un dieu. Ou... Non, mais dans tous les cas, je trouve que ça va passer. Comme on avait donné un exemple dans un précédent podcast qui date déjà quand même d'un certain moment, je peux invoquer des baleines cosmiques. clairement non quoi, enfin ça va pas du tout avec le trip du jeu. Alors voilà, ça je voudrais tout de suite parler de ça. Dans la kit d'initiation, on trouve un exemple de personnage qui est Sephiroth de Final Fantasy VII en disant bah regardez, les fées vous permettent d'avoir une extrême liberté sur vos personnages et vous pouvez même faire des personnages d'une autre fiction qui seraient invités entre guillemets dans l'univers de Sens. En fait, ce kit d'initiation sera bientôt révisé parce qu'on s'est aperçu à plusieurs reprises que ça ne fonctionne pas. Que si les personnages sont importés d'autres univers, souvent ils font tâche dans l'univers de Sens. Alors ça peut aussi marcher, ça peut aussi fonctionner. Mais si ils ne respectent vraiment pas le canon esthétique de Sens, ça sera plus facile s'ils viennent de Star Trek que s'ils viennent de Sephiroth quoi. Enfin, bah même Sephiroth encore, ça peut passer. Sephiroth ça va encore. Ouais. Mais là, par ça exemple, ça peut pas être Mickey quoi. Voilà, c'est voilà, ça. Exactement. Bon exemple, ça, c'est un excellent exemple. Voilà, Mickey. Où là, ça devient ridicule, en fait. Et comme le canon esthétique du Sens, c'est quand même un univers qui se prend vachement au sérieux. Si tu comme fais son Mickey... créateur, d'après ce qu'on a pu comprendre. Ça, t'es sûr. Je t'ai tendu la perche pour me faire battre, là. Ça, c'est clair et net. Donc... Mais en même temps, ce qu'on dit, je suis désolée, ça me paraît être, alors, sauf pour certains jeux, mais ça me paraît être le béaba de mais beaucoup non. de jeux classiques. Mais en fait, c'est de ma faute. Parce que dans le kit d'initiation, je sous-entends que ça fait partie du jeu que des personnages invités comme ça puissent surgir dans l'univers de Sens. Et que la bizarrerie, d'un tel personnage fait partie du jeu. Et c'est vrai, à un moment donné, c'était le cas. C'est-à-dire que, mais en fait, on s'est aperçu, en jouant au jeu, à force de tester cette règle, parce que nous, on l'avait testé, bien sûr, testé, mais, ouais. On n'avait pas testé au point des baleines cosmiques, tu vois ce que je veux dire ? C'est ça le truc. C'est qu'on l'avait. Oui, évidemment, Sephiroth, oui, ça passe. Samus Aran, oui, ça passe. Mickey, Mouse, un invocateur de baleines, bah non, ça marche plus, quoi. Et donc, du coup, il y a un minimum de. Alors, on peut faire des personnages invités comme ça dans l'univers de Sens, mais il y a un minimum quand même de critères esthétiques à conserver. C'est ça qu'il faut dire. Donc moi je pense que de toute façon, avant même de commencer à jouer, le MJ, il faut déjà qu'il relise ou qu'il demande à son PJ de lui lire en fait les faits qu'il a établis. Mmh. Et ensuite on voit si ça colle ou si ça colle pas. S'il y a vraiment un fait qui paraît absurde, je pense que c'est au MJ de dire non, là ça va pas en fait. Mmh. Alors après je suis peut-être tyrannique, c'est mais d'accord. Moi je le fais systématiquement. Dès que, quand ils font leur fiche de perso, je repasse derrière, déjà, ne serait-ce que pour faire le miroir, voir si ça correspond, je discute avec mes joueurs. Jusque-là, j'ai jamais eu de problème. Mais surtout, au niveau des pecs, derrière, dès qu'ils mettent un fait, ils me disent, bon, ben voilà, j'ai mis tel fait. Est-ce que moi, je dirais pas tyrannique, je dirais attentif, tout simplement. Oui, parce que, en fait, c'est le travail du maître de jeu que de vérifier. Dans le sens, absolument. Que de vérifier quels sont les personnages qu'il va faire jouer, en fait, tout simplement. C'est bon, bah d'accord, ok. Non, mais c'est clair. Mais ça me paraît logique que tu vas pas faire jouer des personnages sans les avoir. Parce qu'en fait, tyrannique, il y a un côté péjoratif, on a l'impression que tu les obliges. C'est pas ça, c'est que tu discutes avec eux des faits. Ah oui, bien sûr, je peux pas. Il y a des fois aussi, je les oblige à mettre des faits. Parce qu'attention, il y a quand même une règle dans le sens qui dit que le maître de jeu ne doit pas piéger ses joueurs. Ah oui, non, bien sûr. Il est accompagnateur, il est guide à travers l'univers, etc. Et d'ailleurs, il y a un truc que je conseille justement pour les faits. Voilà, quand ils ont des pecs, c'est moi j'oblige en fait mes joueurs des fois à dire bon, voilà, tu vas mettre tel fait sur tel objet ou sur tel personnage. Je ne force pas à dire bah voilà, tu détestes machin. Je dis juste voilà, moi je veux un fait par rapport à ce personnage. Et pourquoi si la personne n'a pas envie d'en mettre un? Bah, s'il a joué en fonction roleplay, en fonction, etc. En fait, c'est ça. Et de toute façon, la réponse qui vient à chaque fois, c'est ouais, de toute façon, j'allais le faire. Ouais, voilà. Moi, c'est pareil. Dans Sens Néant, par exemple, qui est un jeu où typiquement les joueurs se lient et tout, là, très souvent, ça m'arrive de faire comme Cédric et de proposer attends, il me semble que là, quand même, vous avez lié plus que tu devrais quand même peut-être mettre un lien. Et en général, la réponse qui vient tout de suite derrière, c'est oui, carrément, de toute façon, j'allais le faire. Tout à fait. Ouais. Tout après, à fait. C'est vrai que ça reste encore une fois une proposition. Si le joueur ne veut vraiment pas, il fait pas. Il fait pas. Mais c'est vrai que généralement, les mecs, ils sont roleplay, il n'y a pas de souci. Moi, ce que j'aime bien avec l'idée des faits, c'est surtout que ça donne beaucoup de liberté par rapport aux compétences. Parce que du coup, il y a toujours une question d'interprétation. Et ça, je trouve que ça amène beaucoup de richesse, notamment aussi dans ce qui est sous-entendu dans l'histoire. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une liste de choses qu'on sait faire, on va avoir une liste de de fait qui nous disent qui on est. Donc on va pas forcément avoir que des choses qu'on sait faire, on va avoir des choses qui nous touchent, des choses qui font partie de notre personnalité. Et je trouve que c'est tellement plus riche et ça nous permet tellement de mieux voir le personnage qu'on va créer que du coup j'aime beaucoup ça. Je trouve ça très élégant en fait. En fait, Cédric, pardon, ouais, c'est non seulement très élégant, mais au niveau système de jeu, c'est super. C'est vraiment génial. Moi, je vois encore une fois des joueurs qui mettraient, enfin, c'est un jeu de rôle classique, qui mettraient leurs compétences. Voilà, je suis fort en dextérité, machin, je peux lancer des armes, des trucs. Je vois des joueurs comme ça au départ, donc on fait leur fiche de perso de sens un peu de cette façon basique. Mmh. Maintenant, tous les faits qu'ils mettent, c'est. Ah ouais, bah moi je suis très intéressé par le graveur, moi je veux péter la gueule de Meta Anima, moi je veux suivre les enseignements de Gladius Ward. Et en fait c'est que des trucs comme ça. Les mecs ils rajoutent plus en fait de compétences qui les intéressent, finalement c'est, dire des liens, mais des faits qui... Mais a priori, sont beaucoup en fait, moins utiles. Non, c'est pas moins utile parce que si tu mets, je veux absolument casser la figure à Meta Anima, ça sous-entend beaucoup de choses. C'est-à-dire que ça sous-entend que tu vas t'entraîner pour ça. Et toute action que tu feras et qui poursuivra le but de casser la gueule à Meta Anima sera augmentée d'un plus deux. C'est quand même assez énorme. Et tu peux, y compris hacker ou conduire une bagnole. De la même façon, tu vas pouvoir être amené à pour une enquête. Tu veux vraiment retrouver Meta Anima. Du coup, t'auras un plus deux si tu dois enquêter sur ce truc. Ah, ça, en fait, ça peut rajouter partout. Moi, quand je dis ça, je leur laisse le choix. Bon, bah, tu veux friter Meta Anima, ça peut être mort. Ça peut également être création, parce que tu vas être obligé de travailler sur ça. Ça peut être Cosmo, enfin, ça peut être plein de choses. Donc, ils ont une bonne liberté là-dessus aussi. Et je trouve encore une fois que le système de fait est largement supérieur à un système de compétences basiques. Bah, en fait, un point essentiel, c'est que tu ne peux pas faire un personnage avec des faits si tu n'y as pas réfléchi au préalable. Alors qu'un personnage avec des compétences. Tu peux ne pas du tout avoir réfléchi à ton personnage et balancer n'importe quelle compétence, dire bah, j'ai 5 là, 4 là, etc. En fait, une machine en aléatoire pourrait faire remplir une fiche de personnage avec que des compétences, j'entends, attention. Hein. Alors qu'avec des faits, tu n'as pas le choix, tu dois réfléchir. Tu dois réfléchir à ce que tu veux, à ce qui est important pour toi, à ce que tu veux que ton personnage sache faire. Évidemment, par contre, ça doit prendre plus de temps à la création, mais en même temps... Moi, j'ai envie de dire que j'aime bien les personnages qu'on met du temps à créer parce qu'on s'y attache déjà à la base. Je crois que c'est aussi le piège de sens, c'est l'investissement. Quoi. C'est-à-dire, absolument. Tu fais pas ton bonhomme comme ça. C'est... Non, non. Il y a de l'investissement, en fait, dès le départ. Absolument. Oui, en effet, Fly, du coup, tu et t'y attaches beaucoup plus facilement. Y compris pour le meneur de jeu. Je lisais énormément de critiques à la sortie de Sens Renaissance, donc il y a maintenant 3 ans, qui disaient, oui, le problème de Sens Renaissance, c'est qu'il demande énormément d'investissement en maître de jeu. Mais non, c'est exactement ce que je voulais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le maître de jeu s'investit dans sa maîtrise, dans sa partie, dans sa campagne, il ne lâche plus le livre. Alors après, qu'à l'entrée, il ait peur et qu'il ressorte, bah, c'est qu'il n'y a pas trouvé son compte, qu'il ne veut pas aller plus loin. Et dans ce cas-là, bah, oui, bah, s'il n'a pas envie de s'investir, moi, je ne suis pas derrière lui pour l'y forcer. Mais je veux que les gens qui s'investissent dans le jeu, ils soient attrapés, entre guillemets, quoi. Et ça, c'est très important pour le puisque, comme le disait mon cher prof de français, on en parlait dans un précédent podcast, Sens est un jeu sur l'emprise. C'est la thématique du jeu. Donc forcément, c'est intéressant d'obliger les joueurs et les maîtres de jeu à venir s'y investir de cette manière-là. Et les faits sont un investissement. T'es obligé d'entrer de jeu. Tout à fait. C'est le coût d'entrée, en fait. T'es obligé de payer un investissement à l'entrée. Puis, là, tu en parlais tout à l'heure, Cédric. Tu voulais ajouter quelque chose, Clyde, là-dessus ? Non, je voulais parler de la différence avec les faits de cellulisme. Ah, non, attends, peut-être pas rendu là. Ouais, on a encore pas mal de choses à dire, je pense, sur les faits. Bon, je rajouterais juste 2 éléments. C'est, premier élément, c'est ce que tu as dit tout à l'heure à propos des faits que prennent tes joueurs. C'est en fait, ce sont des faits beaucoup plus globaux. Je veux casser la gueule de Meta Anima et beaucoup plus global que je suis un dieu en informatique, par exemple. Oui. Parce que, enfin, je suis un dieu en informatique. Non, on ne doit pas dire ça. Ouais. je maîtrise. Voilà, par contre, ça leur apportera un peu moins de bonus que je suis très fort en informatique. Je veux dire, ça leur apportera moins de bonus en informatique. Mais oui, d'accord. Oui. Par contre, mais par contre, t'es largement c'est gagnant compte. À dire parce que casser la gueule de Meta Anima. Sur beaucoup plus de faits, tu pourras le jouer. Et tu pourras le négocier avec le meneur. C'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Du mais coup, ça pourra amener de nouvelles choses, genre de l'obsession, genre pas mal de choses. Puis qui vont ça développe un caractère. Et ça rentre aussi dans ta. Attention, parce que ça rentre bien dans ta version à toi où les faits, en fonction de ce qu'ils racontent, sont plus ou moins récompensés en termes de bonus. Alors que dans la base, c'est 2%, c'est fixe, tu vois ce que je veux dire. C'est, ouais. Ça, après, ça joue, tu, ça après, aussi. Tu précises bien que la base est, comment dire, elle est purement. Là pour indiquer des choses, pour lancer des choses. Après, on peut modeler aussi à notre source. Ce sont des rails. Ouais, c'est quand même un rails. Système de jeu à respecter. Le système, c'est, ce sont des rails. Après, Voilà. Ouais, après, non, tant que je veux tu dire, sors pas le des rails, 2%, voilà, c'est. Le 2%. On n'est pas obligé de s'y tenir, quoi. Enfin, mais à mon sens. Après, ça c'est ta version des faits, et je vois en quoi elle amène une autre richesse. Je pense pas qu'on puisse dire que parce qu'il a changé le 2% en X%, il ne joue plus à sens, tu vois. Alors que si tu remets un système de dés, tu vois, là, bon. C'est compliqué, ça. D'ailleurs, ça pourrait faire une bonne thématique de podcast. Jusqu'où est-ce qu'on peut faire varier un système sens. Et ouais, ça ferait une très bonne thématique de podcast. On en parle très souvent. Oui, il faut pas changer système de jeu, faut jouer by the book, etc. Exactement comme c'est écrit dans la base. Et effectivement, dans le jeu de rôle classique, il y a des variations qu'on peut faire. Peut-être c'est moins le cas dans les jeux de rôle qui sont moins traditionnels, mais dans le jeu de rôle classique comme les sens, c'est sûr qu'il y a des variations qui peuvent intervenir. Je vois, par exemple, les répioïdes sont pas joués de la même manière d'une table à l'autre, etc., etc. Il y a plein de choses à dire. Bref, c'est pas la thématique immédiate. Mais ce qui est intéressant dans ces faits généraux, c'est que tout est mis au même niveau. Ce qui n'est pas le cas des compétences qui, d'entrée de jeu, dans le système de compétences, on a des catégories. Il y a le social, il y a le physique, il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. Très souvent, on trouve cette espèce de trinité dans les jeux parce qu'elle appartient à la trinité ésotérique. Et là, ici, tout est sur le même niveau. Le corps, l'esprit, l'âme, tout est sur le même niveau. Tout ce qui compte, c'est ce qui est important pour toi, l'effet que tu as choisi de mettre à ton personnage. Donc ça, c'est un point quand même qui est intéressant avec les faits et qu'on retrouve également avec les traits dans Dogs in the Vineyard, avec les traits dans le Démiurge de Frédéric Synthèse, avec les traits dans les jeux comme les jeux forgiens, etc. On trouve ça dans tous les systèmes de traits. Donc voilà, c'est pas une invention de sens, loin de là, mais c'est pratique d'avoir ces faits qui permettent d'intervenir à d'autres niveaux. C'était pas aussi dans Nobilis, dans mes souvenirs, je sais plus. Dans Nobilis, n'as pas de traits. On a des liens, on est attaché à. Ouais. Il y a des points de royaume, des points de. Il ouais, faudrait que je me remette ouais, dedans. De toute façon, on fera un one shot sur Nobilis. Ah ouais, ce serait cool. On l'a promis et on le fera. J'y ai pas joué depuis des années, mais j'avais bien aimé. On le fera. Et puis, donc, on parlait d'investissement tout à l'heure, mais moi, ce que j'aime bien aussi dans l'approche factuelle des personnages, c'est que ça permet aussi de dresser un historique et de montrer que le personnage, ce n'est pas qu'un ensemble de compétences, ce n'est pas qu'un réseau d'utilités et de fonctions, ce n'est pas qu'un personnage. Un personnage n'est pas que fonctionnel. Il est aussi fictionnel, il a une histoire, il a un passé, il a des amants, il a etc. Et les faits impliquent cela directement. Cédric. Et même pour rajouter du piment, c'est le système de faits vraiment génial parce qu'un fait qui peut être négatif, exemple, je me suis fait crever un œil. C'est chiant de se faire crever un œil. Ça rajoute quand même du piment à ton histoire. Quoi. C'est d'un côté c'est négatif parce que oui tu vas avoir des malus quoi. Ça c'est fatal. Mais de l'autre côté, t'as toute une histoire qui vient derrière qui va peut-être t'apporter des bonus. Ça c'est vachement intéressant. J'ai perdu un œil à cause du graveur. Ah bah du coup, ok, je vais moins bien le voir le graveur. Et quand je vais l'avoir devant moi. Par contre, ah bah ouais, je vais gagner des bonus parce que c'est quand même lui qui a crevé mon œil. Ouais. Donc ça, c'est pour l'approche basique du truc. Et du coup, ce qui est bien, c'est que ton histoire est de plus en plus riche grâce à ça. Donc les faits ne sont pas forcément positifs, genre je suis balèze en informatique. Non, non, le moindre fait peut être utilisé à bon escient. Voilà. Les faits sont forcément positifs. Et ça, déjà, c'est une vision du monde aussi. C'est-à-dire que quoi qu'il t'arrive, dans ton histoire, rien ne te plombera. Tout te sera favorable. Et donc, c'est ça aussi que j'ai envie de répondre à Romain qui nous demandait tout à l'heure, entre ces deux extrêmes, il y a de quoi faire. Alors, quel est le genre de faits qui seront à la fois valides et utiles en termes de jeu? J'ai envie de lui répondre, mais tous. Tous. Tous, absolument tous. À partir du moment où ils sont dans le canon esthétique du jeu, où ils sont pas effectivement d'une forme je pisse debout qui serait ridicule. En fait, alors là, j'ai envie Et surtout, est-ce que quelqu'un aurait envie de mettre ça sur une fiche de perso? Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il a l'expérience de quelqu'un qui a envie de mettre ça sur une fiche de perso? Moi, j'ai envie de rajouter une règle que je n'ai pas rajoutée, mais qui m'a été inspirée par l'excellent jeu de Fabien Hidvine, Monostatos, qui est une des règles fondamentales de Monostatos, c'est que lorsque l'on raconte, on n'a pas le droit de ridiculiser un personnage. Qu'il soit chez les adversaires ou qu'il soit allié à son personnage. Tu vois ce que je veux dire, Cédric? Donc ça fait que du coup... C'est-à-dire Ça fait que... Parce que dans Monostatos, la narration est de temps en temps partagée. Et donc du coup, tu te retrouves en possibilité en tant que joueur de décrire la façon dont les ennemis perdent les conflits. Et il dit, la consigne, c'est ne jamais ridiculiser, même les ennemis que vous décrivez, toi, tu ne te ridiculises jamais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de scène ridicule. Et de cette manière-là, dans Monostatos, tu te retrouves avec des scènes qui sont toujours classe. Le méchant, il perd toujours d'une manière classe. Tout est classe. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une super règle. Dans ce sens, tu peux l'appliquer aussi en un sens, bah, ne faites pas des personnages ridicules. Déjà, si tu mets cette règle-là, tu t'évites les problèmes de Mickey Mouse, de l'invocateur de baleine, etc. Bah, je pense que Cédric. Moi, la règle de Fabien, même si dans Monostatos, ça doit vraiment bien coller, dans ce sens, je vois pas l'intérêt de l'utiliser parce que les gens qui vont jouer à Sens, finalement, savent à quoi s'en tenir. Ouais. On leur a fait le briefing. Les mecs, ils savent très bien, normalement, qu'ils vont pas faire Mickey Mouse. S'ils sont là pour faire Mickey Mouse, soit c'est pour tester le jeu dans ses limites. Ok, bah dans ce cas-là, tu fais des playtests, mais tu viens pas pourrir une table. Soit le mec, il a rien compris. Et les autres, de toute façon, vont lui dire non, mais attends, avec Coco, le système de l'immersion, j'ai envie de dire que t'auras pas envie de faire ça, quoi. Enfin, vas-y, puisque maintenant j'ai marqué que mon joueur il pissait debout, je vais faire plein de scènes où je vais faire pipi dans le jeu. Super, j'ai envie de dire, ça sert à rien, quoi. Alors voilà, ça c'est une autre utilité d'effet aussi dont on a peut-être pas encore parlé, mais bon, qui est assez évidente, j'ai envie de dire, c'est que l'effet du simulacre. Si on joue en adéquation avec ces faits-là, si le joueur joue en adéquation avec les faits de son simulacre, et plus il joue en adéquation avec les faits de son simulacre, plus il gagne des points d'immersion. Donc c'est aussi intéressant, c'est vrai, de ne pas mettre des faits ridicules qui poussent à faire des actions ridicules pour gagner des points d'immersion. Pisser debout, par exemple, je vais pisser debout. Tu regardes ton jeu pour gagner de l'immersion comme ça, c'est un peu stupide. Donc c'est sûr. Tu es embêté, le mur n'est pas assez haut, le plafond te tombe dessus, tu es obligé de faire pipi. Ah si. Dis donc, on va bien s'amuser pendant cette partie. Et surtout, ça correspond pas du tout à ce qu'est demandé. Non, mais voilà. Et puis surtout, moi, je me suis rendu compte que les joueurs faisaient mon boulot, quoi. C'est-à-dire que dès qu'il y en a un qui faisait un truc trop ridicule, qui servait à rien ou autre. Là, c'est pas encore arrivé à ma nouvelle table. Mais les joueurs sont là pour le sanctionner, quoi. Ils disent non, mais tu déconnes, maintenant t'arrêtes, quoi. C'est fini. Sinon, tu joues plus avec nous, tu dégages, on fait un truc, mais tu t'arrêtes. En fait, les joueurs font mon boulot, donc c'est cool. Ça t'est arrivé à ton ancienne table ? Ça m'est arrivé juste une fois où il y a quelqu'un qui a fait un truc ridicule. Encore une fois, c'est pas ma table actuelle, hein. C'était il y a longtemps. Et du coup, les autres joueurs l'ont sanctionné en disant, c'est complètement ridicule ce que tu fais. Mais t'as raison, en fait, Cédric, de souligner qu'à chaque fois qu'on a eu des problèmes avec des faits, un petit peu borderline, c'était dans des phases de playtest. Où on avait affaire à des joueurs qui voulaient tester le système, mais limite le pousser à bout et etc. En gros, ils jouaient pas. Dans l'esprit du système. Ils essayaient justement de le prendre à contre-pied pour voir s'il tenait debout, en fait. Et ça, c'est un point essentiel dont on a un petit peu parlé ensemble de cette semaine, Cédric, tandis que t'étais à la barreau. C'est l'idée que finalement, il n'y a aucun jeu qui tient si les joueurs veulent à tout prix mal comprendre et prendre à contre-pied les règles qui sont écrites dans une base. Évidemment, il faut que les joueurs soient bienveillants à l'égard des jeux. Si je connais aucun jeu qu'on ne peut pas prendre à contre-courant et qui fonctionne lorsqu'on a quelqu'un de mal intentionné ou avec un mauvais esprit à la table. Il n'y en a aucun. Si tu joues à un jeu, c'est que tu as accepté les règles. Bah oui, et que tu as accepté que tu vas jouer dans le sens des règles aussi, quelque part. Tu peux mal les interpréter, ça arrive. Des fois, voilà. Après, le maître de jeu est là aussi pour te guider, faut pas oublier. Ouais. Tu peux mal les interpréter, faire des erreurs, ça y a pas de souci, tout le monde en fait. Mais si tu as envie de tuer le jeu, tu fais n'importe quoi. Mais dans ces cas-là, ça sert à rien de venir jouer, tu perds ton temps, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça, exactement. Il y avait un dernier élément, tiens, un petit peu entre l'histoire et la métaphysique du jeu par rapport aux faits, et puis après on va peut-être passer directement au fait de séduire. C'est que les faits dans la métaphysique contemporaine sont considérés comme n'ayant aucune cause. C'est-à-dire que dans un univers fait de faits, c'est compliqué à dire, fabriqué à partir de faits, composé de faits, voilà, on va dire ça comme ça, comme est celui de Sens, selon Cosmo et Rebirth, selon la métaphysique Wittgensteinienne, il n'y a pas de causalité. La causalité n'existe pas. C'est-à-dire qu'un fait « je suis fort en informatique » n'est pas causé par un autre fait. C'est un fait. « Je suis fort en informatique », c'est un fait. À ne pas confondre avec un événement qui, en métaphysique contemporaine, là, possède une cause. Par exemple, il y a de la foudre vient de tomber sur une maison. C'est un événement. Parce que il y a eu des gouttelettes d'eau qui, avec de la friction, sont échauffées, ont produit de l'électricité, etc. On peut expliquer un événement, mais un fait, ça ne s'explique pas. C'est un fait. Point barre. La bière est sur la table. Point. Il n'y a pas à expliquer. Et ça, c'est très important. Parce que le fait que les personnages de sens soient composés de faits, et j'en termine avec ça et je te passe la parole, Fly, le fait que les personnages de sens soient composés de faits explique qu'ils n'ont pas de causalité. Et ça explique aussi qu'ils soient des personnages miraculeux, sans cause. Ah bah c'est la question que j'allais te poser. Ça me faisait énormément penser au miracle, ce que tu décrivais. Absolument. Le bug est un miracle. Le bug est un miracle. Le bug. Le bug. Le bug. Le bug est un miracle. Le bug est un miracle. Absolument. Non mais voilà, c'est ouais, non, très rapidement, pour en fait la métaphysique de Wittgenstein, c'est vrai, nous impose ça, mais au fur et à mesure des gens prennent vont utiliser en fait une autre assertion du mot fait, je pense, et justement ne vont plus se poser dans cet état de fait, mais bien dans le cas d'une causalité. Et notamment, plus on se rapproche en fait de Cosmo et Rebirth, c'est-à-dire plus on se rapproche de Mars, et plus justement, je pense que le joueur est amené à remettre en cause cette métaphysique visage canienne. Absolument, absolument. On peut passer au fait de Cellulis. Ouais. Je pense qu'on a bien débriefé sur cette notion de fait. Alors, les faits de Cellulis maintenant, quels sont-ils, à quoi servent-ils, etc., etc. Alors, qu'est-ce que c'est que les faits de Cellulis ? Tu veux... Quelqu'un veut se lancer ? Non, c'est moi qui explique. Ouais, non, bah, très rapidement, les faits du Cellulis sont des faits qui déterminent, parce que Sens adore déterminer, le joueur. D'accord ? Ouais. Donc on n'est plus dans le cadre du personnage, on n'est plus dans le cadre du simulacre, mais les faits sont là pour définir ta qui personnalité. Joue qui joue ? En fait, voilà, qui se cache derrière le simulacre. Absolument. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'ils interviennent avant les faits de simulacre. C'est-à-dire qu'avant de te demander qui tu veux jouer, on te demande d'abord qui tu es. Et ça, c'est très important pour Sens, parce que en se demandant qui tu es, tu te poses la question et tu n'as que 20 faits pour te résumer, ce qui est minime. Alors souvent, ce que je fais en convention, c'est que je dis, attention, il faut que les faits vous définissent vous et vous seul. Sinon, l'acquisition du Cellulis échouera et vous ne pourrez pas jouer à Sens ce soir. Donc, tu sais, pour représenter un côté un peu rituel, un peu mystique, métaphysique, etc., je leur dis, il faut que vous déterminiez des faits. Par exemple, si vous mettez, je m'appelle Cédric, toutes les personnes qui s'appellent Cédric pourront prendre votre personnage et en prendre possession. C'est ça. Donc, si vous ne mettez que ça comme fait, c'est trop vague. Tout le monde va pouvoir jouer votre personnage. Donc, il faut que ça vous isole, vous et vous seul. Donc ça déjà, quand tu poses les choses comme ça, déjà ça pose l'ambiance, quoi, d'entrée de jeu. Alors après, bon, parce que comme ça on va éluder le reproche directement, il y a un reproche à faire au fait du Cellulis. Cédric. Je serais tenté de dire comme au fait du simulacre, mais c'est différent parce que le simulacre est un miracle. Le Cellulis, en fait, si je dis je suis Cédric Ersao, ouais. Voilà, tout est dit en fait. Normalement, je ne devrais pas avoir à mettre d'autres faits parce que justement, ce fait-là englobe. Les autres. Oui, mais non, parce qu'il y a plusieurs Cédric Ersao. Je suis désolé de te l'apprendre, mais si tu tapes sur Facebook Cédric Ersao, il y en a d'autres, en fait. Pas de chance. Je vais plus loin, Cédric. Il y en aura d'autres. Il y en a eu d'autres, il y en aura certainement d'autres, mais dans ce cas-là, j'ai juste à rajouter une indication. Ouais, laquelle ? Comme par exemple la date de naissance. La date de naissance, voilà. Et dans ce cas-là, on est peinard. Et dans ce cas-là, normalement, ça comprend tout. Absolument. Absolument. Mais bon, sinon c'est chiant à jouer, quoi. Enfin, mais voilà, mais il le faut de toute façon pour le système. Il faut établir des faits. C'est vrai que tu peux faire ça. Après, je pense que quand je dis ça en convention, la plupart du temps, ce que cherchent à faire les gens, c'est pas à contourner le système. Ils cherchent à justement savoir qu'est-ce qui les définit en propre. Est-ce que ce qui me définit, c'est le fait d'être né en 1983 et de m'appeler Romaric Briand? Est-ce que c'est uniquement ça que je suis ? Oui, voilà, c'est pour ça qu'en fait, c'est si ça. Je dis ça, c'est qu'un nom pour et que un numéro, c'est ça ? Puisse répondre en fait à ce genre de questions. Voilà, ouais. Dire voilà, pourquoi tu m'emmerdes à mettre toutes tes définitions alors que si je mets ça et ça, c'est bon, c'est réglé. Il faut, ouais, voilà, c'est ça. Il faut chercher à comprendre qui on est vraiment et ce qui est vraiment important pour nous, quoi. D'accord ? Et d'ailleurs, ça donne lieu des fois à des situations qui sont bien cocasses, quoi, parce qu'on sait toujours qui on veut être, mais quand on détermine qui on est. Ah bah ouais, tiens, oh, j'ai fait une fac de philo, oh, je suis prof, ah ouais, merde, bah je pisse debout, quoi. Parce que je sais plus quoi mettre sur ma fiche, quoi. Ouais, mais puis, enfin, je pense qu'il y a. Il y a des gens, je pense qu'ils doivent se rendre compte qu'ils sont inutiles, en fait, en écrivant leur fête Ulysse, quoi. Ils doivent être désespérés, quoi. Bon, bah, j'ai mon permis de conduire. Ils se sentent, attention, je dis pas qu'ils le sont, mais ils doivent se sentir inutiles, quoi. Mais en fait, je pense qu'il y a des gens qui ont eu beaucoup de difficultés à faire ce travail d'introspection, à se dire ce qui est défini. Aussi par modestie, c'est-à-dire, il y a des gens qui disent non, mais je veux pas écrire, ça me semble un peu prétentieux de dire ce que je sais faire et tout. Ouais, je pense que c'est ce qui doit mettre le plus mal à l'aise. Sur les conventions, j'ai eu des tas de réactions. Je pense. Il y a aussi le fait de décrire une personnalité. On a tous envie de montrer le meilleur de nous-mêmes. Tu vois ce que je veux dire ? C'est exactement ce que disait le patron de Facebook. Et du coup. Oui. Ah non, si. Il disait que sur Facebook, les gens se construisaient des profils, des profils fictifs, en fait. Et parce que sur Facebook, ils pouvaient enfin être ce qu'ils voulaient être et pas uniquement ce qu'ils étaient. Il est énorme, ce mec. Mais ce mec est un dingue. Ouais. Mais ouais. Du coup, je pense que quand on fait ça. Il a compris beaucoup de choses. Quand on fait son fait cellulite, je pense que ça doit être difficile de marquer, par exemple, je suis colérique, alors qu'on est avec des gens qui nous connaissent à peine et qu'au final, on n'a pas vraiment envie qu'ils le sachent. Voilà, tu penses que c'est propre à la convention, cette timidité liée au fait cellulite ? Je pense que. Plusieurs choses. Je pense il y a des gens qui m'ont dit aussi tu vas ramasser les feuilles, tu vas nous envoyer de la pub. C'est pour faire de la pub ciblée. Excellent. Ce ne serait pas con, ceci dit. Je pense en que humour, il me disait ça. Il faut avoir un contrat avec la personne qui va écrire le fait de Cellulis. À savoir que, déjà, avoir son accord pour lire et de lui dire qu'on ne le fera pas lire à d'autres personnes. Quoi. Ouais. Alors que les faits de simulacre doivent être lus à haute voix aux autres joueurs, les faits de Cellulis n'ont pas à être lu à haute voix aux autres joueurs. Mais moi, je le fais quand même en convention parce que ça permet aux gens de se présenter autour de la table. Et c'est sympa. Pour les fêtes cellulistes, moi, je laisse le choix, tout simplement, en joueur. Ouais, je pense que tu as raison. Tout le monde n'a pas à connaître la vie privée d'eux. C'est clair. Après, je pense que, par contre, sur la relation, donc le contrat, en fait, maître de jeu joueur, est déjà institué dans la mesure où le joueur accepte de jouer. Donc, c'est-à-dire, voilà, t'inscris tes faits de cellulis, c'est-à-dire tu vas jouer à Sens, donc ça veut dire que oui, tes faits de cellulis, moi je vais en prendre connaissance. J'aime bien aussi l'idée que le maître de jeu ne se découvre jamais dans ce travail. C'est-à-dire que les joueurs arrivent, ils déballent le paquet, et le maître de jeu lui dit rien du tout de qui il est, il n'a pas besoin de faire de faits de cellulis et tout ça. Donc, en convention, je te jure. Il habite un archipel. En convention. Qui est-il ? En convention, je te jure, ça fonctionne à plein. Les gens. Qui rentrent dans Sens, ils ont les boules, quoi. Et ça, c'est vachement favorable à l'ambiance du jeu, en fait. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des gens comme Ghislain Morel et tout qui disaient, oui, le Sens, c'est un jeu qui plairait pas à Mireille Dumas. Parce qu'on joue aussi sur cet aspect un peu mystérieux du jeu de rôle, un peu impactant. Mireille Dumas, on l'emmerde. Mireille Dumas, ça commence à dater un peu. Non, mais c'est pas pour parler de Mireille Dumas que je dis ça, mais c'est le côté... inquiétant en fait du jeu de rôle sur lequel Sens de l'emprise se joue encore une fois. Voilà, exactement. Donc mais ça, je pense que avant aussi de parler des faits de cellulis, ce serait peut-être bien de rappeler ce qu'on peut faire avec les faits de cellulis. Tout à fait. Parce que moi je sais que les faits de cellulis, je suis quelqu'un qui aime beaucoup beaucoup ça. Ouais. Et qui du coup les travaille beaucoup pour pouvoir les utiliser après dans le jeu. D'accord. Et ben vas-y, Fly. C'est en gros les faits quand ça nous permet de faire un miracle dans le jeu. Absolument. En gros. En se servant des faits de son joueur, on peut faire à son personnage un miracle dans le jeu. En gros, Flavie peut intervenir dans la fiction. Tout à fait. Pour faire faire à Lina, son joueur, son personnage, quelque chose que Flavie sait faire mais que Lina ne saurait pas faire. Voilà. Tout à fait, c'est ça. Alors, sachant que ça peut être plus spectaculaire et plus fun. Alors après, il y a deux niveaux, il y a deux degrés en fait d'implication des faits. Soit tu dis par exemple, je suis fan de Saint Seiya, permet à mon personnage de faire les météores de Pégase. Donc ça, c'est l'implication forte où tu considères que tu peux du coup faire des actions ultra bourrines qui sont... voilà. Soit tu considères juste que tu apportes tes connaissances réelles au personnage. Donc c'est juste, Flavie, elle fait pas les météores de Pégase, donc elle pourra pas faire les météores de Pégase à... Tu vois, ça, c'est l'implication faible. Il y a les deux niveaux possibles. Les deux niveaux sont intéressants, en fait. Moi, j'aime bien, par exemple, mettre deux, trois choses un peu fun. Je sais qu'avec Pierre, on avait prévu un truc pour coupler nos fêtes cellulis. On avait tous les demi quand on était fans de Tengen Toppa Gurren Lagann. Bravo, t'as envie d'entendre cet exemple-là. Attends, c'est clair. Ah ouais, mon fils, j'ai pas grave. Et pour pouvoir coupler nos fêtes, c'est lui, ça c'était fun. Du coup, il y en avait un qui était le gros, un qui était le petit, on se mettait en gros robot et puis on désinguait du monde. C'était drôle. C'est bien de mettre ça, mais c'est bien aussi de mettre des trucs plus sérieux. Notamment pour ton jeu est quand même un jeu à secret, c'est quand même bien de pouvoir avoir des informations des années 1990-2000 faire des choses dans le jeu. Alors c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait l'implication forte et l'implication faible, alors DMJ vont choisir entre l'implication faible et l'implication forte, certains vont choisir la forte direct, certains vont choisir direct la faible en disant non, c'est contre-immersif. Toi, par exemple, Cédric, il me semble que là-dessus, t'es assez sévère. Tu considères qu'on peut pas faire les météores de Pégase dans le sens, si ? Ah, si, on peut tout faire. Je croyais que t'avais choisi l'implication faible. Non, moi, je choisis les deux implications. C'est juste dans, comment dire, on était en convention. D'ailleurs, je ne ferai plus jamais je masteriserai plus jamais sens en convention. Ouais. C'était juste. Pourquoi, Cédric ? Juste rapidement. Tu considères que c'est un jeu qui a besoin d'intimité parce que... C'est très long à mettre en place. Et c'est, et puissance si tu fais pas la campagne, si t'as pas. En fait, tout simplement, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est l'investissement. C'est en convention, tu t'investis pas dans un jeu comme tu vas le faire quand tu vas intégrer une table. Donc du coup, en convention, sens, c'est pas terrible. Donc désolé, j'adore ton jeu, Rome, mais en convention, moi, j'ai pas adhéré. Il y a un mec qui est venu me voir, il a eu entièrement raison. Il m'a dit, écoute, quand on a joué, j'avais l'impression d'avoir, t'as une quête de départ qui était donnée par le grand chef. Tu vas faire ta quête, t'ouvres des portes, il y a des pièges, machin, puis t'as le trésor à la fin et c'est fini quoi. Et là, j'ai fait one shot de sens, c'est ça. Ou alors il faut trouver une thématique forte et ça dépend. Ouais, et parce que Blue Sky fonctionne bien en convention. Blue Sky fonctionne bien en convention, je pense, mais c'est un scénar très spécial aussi. Ouais. Blue Quand Sky. Tu... Ouais. La fin, encore une fois, c'est ça. Enfin, bref. On va rien dire. Donc, et pour l'implication forte, c'est juste que justement en convention, il y a une fille qui a utilisé son personnage de WoW à deux reprises. Et c'est vrai que ça faisait un petit peu le côté facile. Donc la première fois, j'ai accepté. Enfin, tu fais ce que tu veux, il y a pas de souci. Deuxième fois, tu utilises le même fait. Pour moi, je trouve qu'il y a un problème, donc je l'ai cramé en point d'immersion. Elle a pu le faire, mais ça crame en point d'immersion, quoi. D'accord. C'est si tu rencontres un ennemi, je fais les météores de Pégase. Ok, c'est fun, mais si tu me fais ça pendant tout le scénar, moi, ça me fait chier. Donc parce que c'est un moyen de contourner les problèmes, parce que finalement, tu ne joues plus ton simulacre en fait. Tu joues ton cellulis. D'accord, ok. Ouais. Moi, en fait, ce que j'ai remarqué, et ça c'est vraiment vérifié de plus en plus, c'est que au départ, les joueurs utilisent l'implication forte parce qu'ils trouvent ça fun, et plus ils avancent dans l'histoire de sens, plus le canon esthétique de sens change et va vers le tragique, et moins en fait les joueurs osent utiliser les simulacres les faits de cellulis en implication forte, et plus d'eux-mêmes ils se contraignent à les utiliser en implication faible. C'est-à-dire qu'en fait, on sent qu'au fur et à mesure de la campagne, de plus en plus, les cellulis se mettent en retrait et que c'est les simulacres, tu vois ce que je veux dire, qui prennent de l'importance. Et ça, c'est très intéressant. Je pense qu'il y a une raison assez forte à ça. C'est l'investissement, encore une fois, du joueur. Savoir que plus ton simulacre avance avec son expérience et autres, plus tu as envie que ce soit ton simulacre qui résolve les énigmes, qui passe les embûches. Parce que le miracle, quelque part, à la fin, ça devient trop facile, il n'y a plus de défi. Ouais. Dans les classes, tu fais avec ton simulacre, ok, de toute façon, galère, c'est avec moins, les points joues, d'immersion quoi. Que tu fais les miracles, donc tu n'en as pas non plus des tonnes. À la fin, quand tu joues à fond en immersion, comme ces gens-là qui utilisent même l'implication faible, ils en ont à balle. Sauf que là, ils utilisent non plus les bonus de simulacre, mais le fait qu'ils aient plein de points d'immersion devant eux et qu'ils aient tous plus 20 à leurs actions, etc. Ou alors ils les utilisent d'une autre manière. Mais en tout cas, clairement, moi j'ai noté que plus ça va, moins on a envie d'intervenir sur le canon esthétique de sens et plus on a envie, au contraire, de l'explorer à fond et d'y jouer. Ce qui montre encore plus... Enfin, pour moi, selon moi, pour le propos du jeu, c'est génial parce que ça montre que justement, plus t'avances et plus effectivement, sens te convertit à son, son abîme. Et pour répondre à la question du coup qui nous avait été posée par mail, je pense que dans les fêtes cellulis, en fait, il n'y a pas de fait interdit au sens où tu ne vas pas te décrire comme un dieu si tu n'en es pas un, quoi. Normalement, dans les fêtes cellulis, tu ne peux pas mettre « je suis dieu ». Si tu décris qui tu es, Tu vas pas arriver et lui dire non, ce fait-là est interdit. Non, s'il s'est décrit tel qu'il était, il s'est décrit tel qu'il était. Bon, si le mec pense vraiment qu'il est Dieu, appelle l'hosto, mais... ouais, faut appeler le SAMU, là. Que... Mais même sans ça, par contre, c'est vrai que ça pose un problème de relativisme, à savoir qu'un mec peut écrire « je suis balèze » en informatique, alors que ça se trouve, c'est juste une tanche. Il est balèze par rapport aux deux potes qui côtoient, et en fait, il est pas balèze du tout. Mais à part ce genre de problème, je pense que l'effet du cellulisme, personne mettra je suis Dieu ou personne met je sais pas, je suis un trou du cul ou enfin voilà quoi, c'est s'il le met, c'est qu'il a un gros problème de dépression. Oui, voilà. Lui-même. Alors Romain nous demande si c'est pas l'effet de cellulisme, ça va forcément faire intervenir des conversations méta sens dès le début du jeu. Oui. Oh bah zut alors. Et il nous demande, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'il nous demande, est-ce que c'est pas un problème ? Bah au contraire, c'est le but voilà, du jeu. Au contraire, c'est le but du jeu. Voilà, c'est ce que voilà. Je voulais lui répondre. Mais la question est bonne, par contre. Mais oui, parce que c'est vrai que c'est une peur que les gens ont. C'est finalement, est-ce que les joueurs vont pas s'apercevoir trop vite que c'est du méta, que etc. Mais justement, c'est ce qui va faire le truc. Bah oui, je pense que c'est ce qui va porter justement. Alors, en fait, plus qu'une révélation finale, la découverte du méta-sens, c'est une comme on dit déjà, c'est un corollaire. C'est une base, en fait, pour jouer, en fait. Donc, c'est pas grave si les joueurs comprennent directement ça. Par contre, ce qui serait grave, c'est qu'ils se désintéressent du jeu à cause de cette thématique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à aucun moment dans Sens, on va proposer de sortir de la fiction. Mais par contre, on va proposer aux personnages d'enquêter sur l'histoire des joueurs. Parce que vraisemblablement, dans la fiction, dans le passé des personnages, les joueurs, c'est l'Ulysse, ont effectué des actions qui ont grandement impacté le monde dans lequel jouent les personnages. Et donc les personnages, finalement, courent après les joueurs. Autant que les joueurs courent après les personnages pour les interpréter, etc. Donc il faut voir qu'on ne va pas non plus, avec Sens, briser le quatrième mur. C'est juste que dans la fiction, les personnages vont découvrir que les joueurs ont eu un impact. Et c'est ce qui va les plonger encore plus dans l'immersion. Je sais pas si j'ai été très clair. Cédric. Si. Moi, je trouvais ça clair. D'accord. Okay. Je pense que ce qui est sympa, alors je crois que je l'avoir dit au dernier podcast, c'était le scénar que j'avais fait autour d'un jeu qui s'appelait Dreamster, en fait, Résistance. Ouais. Où là, du coup, en fait, t'avais des PNJ qui jouaient donc à un jeu qui s'appelait Dreamster, donc qui est l'équivalent, on va dire, de SimCity ou non, peut-être pas SimCity, mais plutôt Second Life. C'est très bien ça. Ouais. Donc c'est l'équivalent et en fait il y a des PNJ qui sont complètement perdus dedans quoi. Et du coup il y a des PNJ qui considèrent que c'est la vraie vie. Et les simulacres vont très vite se retrouver confrontés au problème du bah ouais mais si eux croient que c'est la vraie vie, nous les simulacres on est quoi ? Et notamment ça pose la question par rapport au métasens, c'est-à-dire par rapport à leur cellulisme, mais également par rapport à Cosmo et Rebirth quoi. Ouais, un scénario aussi dans ce ton-là que j'avais bien apprécié, c'était le scénario de, je crois que c'est BJ Bress, qui est en téléchargement sur le site de Sens. C'est un scénario dans lequel, à un moment donné, les PJ découvrent une ville, une cité, dans l'ombre monde une cité dans laquelle les gens sont heureux. Alors que dans la réalité, ils sont tristes. Et du coup, ça implique, mais tiens, quel est mon impact, moi, en tant que simulacre ? Et finalement, est-ce que ma présence va vers le mieux et tout ? Ça remet en question. Ouais, là, ça remet en question. Et ça, c'est intéressant aussi pour le méta, parce que du coup, tu te poses la question de ton intervention à toi-même dans le monde, etc. Et j'avais trouvé que c'était vraiment une thématique de scénar qui était forte. Avec un quadrilla qui cherche à protéger la ville heureuse, justement, de l'intervention des simulacres des joueurs. Et un échec annoncé quoi. Donc une petite tragédie dans Sens Renaissance comme ça qui peut annoncer un peu de sens mort finalement dans Sens Renaissance. Et c'est un excellent scénario que je vous conseille au moins à la lecture. Je sais pas, moi je l'ai pas fait jouer, donc je sais pas ce qu'il donne en jeu, mais en tout cas à la lecture il donne plein d'idées. Mais ça, c'est le thème est énorme. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur l'effet de cellulite. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter ? Je crois que on a bien fait le tour. Pour moi c'est bon. C'est vrai que l'utilité d'effet de cellulite c'est ça. Hein. C'est une soupape en fait à la pression, c'est-à-dire qu'on est en immersion constamment, on gagne de l'immersion et tout, puis à un moment donné on va pouvoir se lâcher en dépensant des points de CU10. On s'aperçoit qu'on passe de l'implication forte des météores de Pégase en gros à l'implication faible où là c'est plutôt le joueur tranquillement qui aide son personnage dans la fiction. Donc on voit tout ça, hein, la manière dont les faits de CU10 sont déployés au cours du jeu. Je crois qu'on n'a rien oublié. J'ai toujours peur d'oublier quelque chose en conclusion de podcast, sinon, mais je crois que c'est bon. T'inquiète pas. Non, c'est, ouais, de toute façon, on pourra revenir dessus. Sinon, il y a les commentaires. Hein. Voilà. Le blog est quand même ouvert aux commentaires. Tout à fait. Tout à fait. Bon, ben voilà déjà ce qu'on pouvait vous dire sur les faits. Et puis comme ça, on a répondu aux questions de Romain et aux questions que de nombreux internautes, y compris sur le forum, posent régulièrement. Ça fait vraiment du bien d'avoir, je pense, fait un podcast là-dessus parce qu'il y a beaucoup de questions sur les faits. Beaucoup de gens qui se sentent perdus avec ça. La question, c'est comme l'a dit Cédric, tout fait est bon à prendre. Il y a pas et éviter les faits ridicules, c'est tout. Et on les connaît les faits ridicules, mais personne, aucun joueur ne veut les mettre sur sa fiche. Donc voilà, tout fait est bon à prendre. D'ailleurs, tiens, dernier truc, et puis après on conclut. Frédéric, à la création de Sens, proposait une idée de variante du système qui est intéressant, d'enlever les blessures mentales et blessures physiques, et de les remplacer par des faits, à la manière de ce que tu proposais tout à l'heure, avec l'œil crevé et tout ça, finalement. Je suis assez pour, parce que je dois avouer que ce qui m'emmerde le plus dans le système de Sens, ce sont les points. J'ai énormément de mal à les jouer. Autant les faits et tout, je maîtrise, c'est bien, enfin, on prend un pied vraiment énorme. Autant les points, les blessures, machin. Alors j'ai fait un scénar pour, donc le scénar du phare, que tu connais bien, Rome. Ouais. Et du coup, j'ai essayé de faire jouer ça. Donc ça a fonctionné. Mais je trouve ça toujours chiant d'avoir une petite barre, un truc. Enfin, ça fait très classique. Ouais. Alors que finalement, système de Sens ne l'est pas. Donc je pense que la variante de Fred pourrait être une bonne variante. Ouais. Ouais. Mais à bien y réfléchir, je trouve ça bien. Le seul truc, c'est que pour piéger des rôlistes classiques, c'était moins évident avec un système déjà aussi anarchiste que ça. Parce que tu t'aperçois tout de suite en regardant ce système de jeu que tu ne peux pas mourir. Et j'aimais bien l'idée que les joueurs se disent « je peux mourir ». Parce que dans Sens Renaissance, qui reste quand même un survival horror, dans l'ambiance post-apo et tout ça, c'est à la Alien en fait, c'était important, je trouve, que les joueurs aient cette sensation, au moins au départ, qu'ils peuvent mourir. Alors que c'est faux. C'est faux, ils peuvent pas mourir. Et là, dans le phare, c'est le seul moment où ils ont failli mourir. Mais sinon, avant, je pense pas qu'ils aient eu la sensation de pouvoir mourir. Mais Fred disait que de toute façon, même sans les points de vie, entre guillemets, et ces points de blessure, les joueurs, de toute façon, même avec des faits, ont la sensation de pouvoir mourir, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, c'était peut-être une erreur de game design, ça. Franchement, Sens Renaissance, c'est un vieux jeu. Aujourd'hui, s'il était à refaire, je sais pas si je le ferais comme ça. Mais voilà. Donc ça, c'est une petite proposition de variante en ouverture de ce podcast. C'est est-ce que... En fermeture, plutôt. Oui, pardon, c'est oui. Ouverture au sens d'une dissertation. C'est-à-dire qu'à la fin, tu fais une ouverture, tu vois. Là, Ouais. Bon, bref. Bon, voilà, allez, c'est ce qu'on pouvait vous dire sur les faits. Merci de votre fidélité. À bientôt pour un prochain podcast. Salut pour un prochain sens. Salut, jouez bien. Salut. À bientôt.